Radio Sunna vous présente une intervention en direct de Oustaz Abdul Karim Abu Asim. Waffaqahu Allah. Inna alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشهر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous avions évoqué durant le cours d'hier une introduction sur l'étude de la Sira en citant 10 points importants qu'il convient de citer lorsque l'on aborde une nouvelle science. Il faut la définir, il faut en citer les fruits, les mérites, celui qui l'a mis en place, celui qui l'a fondé, quelles sont les références sur lesquelles cette science s'appuie, quel est le statut religieux de cette science, etc. Cette introduction était, somme toute, nécessaire. Je voudrais continuer aujourd'hui, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, sur les avantages et les bénéfices que l'on peut tirer de l'étude de la biographie du prophète, alayhi salatu wa salam, de sa moralité, de son comportement. Car en réalité, les avantages et les bénéfices de cela sont considérables. Premièrement, l'étude de la Sira va pousser la personne à croire en lui, sallallahu alayhi wa sallam. Encore faut-il que le cœur soit sincère. C'est un prérequis. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il est obligatoire aux croyants de croire au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci ne peut se réaliser qu'après l'avoir connu. Plus la connaissance sur l'envoyé est grande, plus la foi en lui s'en verra accrue et le suivi par voie de conséquence. Celui qui connaît l'envoyé sallallahu alayhi wa sallam d'une connaissance non entachée par les mensonges à son encontre, ne doutera aucunement de sa véridicité et de la véracité de son message. Car la connaissance de ses nobles qualités, ses bonnes mœurs, ses paroles véridiques et profitables, ainsi que ses actes empreints de droiture, sont les plus grands facteurs qui poussent la personne à croire en lui et à le suivre. C'est pour cette raison qu'Allah tabaraka wa ta'ala a enjoint les croyants à méditer sur la vie de l'envoyé sallallahu alayhi wa sallam, ses paroles, ses actes, ses décisions, son comportement, sa prédication. Allah tabaraka wa ta'ala dit « قُلْ إِنَّمَا أَعِذُكُمْ بِوَاحِدَةً أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. La sourate 34, le verset 46, dit: Je vous exhorte seulement à une chose, que pour Allah vous vous leviez par deux ou isolément, et qu'ensuite vous réfléchissiez. Votre compagnon Mohammed n'est nullement possédé. Il n'est pour vous qu'un avertisseur annonçant un dur châtiment. Lorsqu'Allah dit tabarak wa ta'ala et qu'ensuite vous réfléchissiez, c'est comme pour nous pousser à étudier sa vie, étudier ses paroles, étudier ses faits et gestes, ses comportements. Voyons-nous dans tout cela un signe de folie ou de démence chez notre prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ou plutôt voyons-nous en lui des signes probants de sa prophétie. Deuxièmement, l'étude de la Sira va pousser la personne à aimer le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. L'aimer est une obligation religieuse qu'Allah a imposée à ses serviteurs. Il est obligatoire de faire prévaloir l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur l'amour de sa propre personne, des parents, des enfants et des gens en général, car ceci constitue un des principes fondamentaux de la foi. Et il ne fait aucun doute que la connaissance de l'envoyé sallallahu alayhi wa sallam, la connaissance de ses qualités et de sa moralité, contribue à accroître cet amour ainsi que la vénération et le respect qui lui est dû. Troisièmement, l'étude de la Sira donne à la personne un modèle à suivre et va la pousser à prendre comme modèle le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Certes, Allah le Très-Haut a fait de lui un modèle pour les serviteurs et un guide pour les gens. Il nous a ordonné de le suivre et de cheminer sur sa voie. À cet effet, Allah dit tabaraka wa ta'ala, لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Le verset 21 de la sourate 33. Vous avez certes en la personne de l'envoyé d'Allah un excellent modèle pour celui qui espère la rencontre d'Allah et du jour dernier et qui évoque Allah fréquemment. Quatrièmement, l'étude de la sira va pousser la personne à reconnaître son degré et sa place. Sallallahu alayhi wa sallam. Allah l'a placé au-dessus des croyants, au-dessus de leur propre personne, comme ceci a été rapporté dans l'authentique de l'imam al-Bukhari, d'après la version de Abi Hurayrata, radiallahu tabaraka wa ta'ala anhu, où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ma min mu'minin illa wa ana awla bihi fi dunya wal akhira. Iqra'u in shittum al-nabiyu awla bil mu'minina min anfusihim. » Le prophète a dit à alayhi salatu wassalam, il n'y a pas un seul croyant sans que je n'ai plus de droit sur lui que sa propre personne dans cette vie d'ici-bas et celle de l'au-delà. Et lisez si vous le souhaitez, le prophète a plus de droit sur les croyants qu'ils n'en ont sur eux-mêmes. Ce hadith a été rapporté par l'imam al-Bukhari sous le numéro 2399. Il a plus de droit sur eux que leur propre personne. Car il leur a prodigué le bien, la compassion et la douceur, et il fut la plus miséricordieuse des créatures. Il fut celui qui leur prodigua le plus de bienfaits, car ils n'ont pu atteindre le poids d'un atome de bien ou repousser le poids d'un atome de mal, si ce n'est à travers sa guidée et sa voix. C'est pour cette raison qu'il est obligatoire qu'ils reconnaissent sa place immense et sa position probante auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, et qu'ils connaissent ses qualités et son comportement afin qu'ils accroissent leur amour envers lui, qu'ils suivent sa voie et qu'ils respectent son droit. Cinquièmement, l'étude de la sira va pousser la personne à s'imprégner de sa moralité, sallallahu alayhi wa sallam. En effet, il fut un exemple vivant du Coran. Allah tabaraka wa ta'ala a juré dans le Coran sur la haute moralité de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en disant « Noun » والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. Nun, par la plume et ce qu'ils écrivent, certes par la grâce de ton Seigneur tu n'es pas un fou, et tu auras certes une récompense ininterrompue, et tu es certes doué d'une haute moralité. Sourate 68, les versets 1 à 4. C'est un grand honneur fait aux serviteurs d'Allah et son élu. Allah le cite en rappelant ses nobles qualités et sa haute moralité. Et lorsque Aïcha, radiallahu tabaraka wa ta'ala anha, fut questionnée sur sa moralité, sallallahu alayhi wa sallam, elle répondit « Kana khuluquhu al-Qur'an ». Sa moralité était le Coran. C'est un hadith qui a été rapporté par Ahmed et Abu Daoud, et elle a été authentifiée par Cheikhoun al-Albani dans le Sahih d'Abi Daoud sous le numéro 1213. Il faut savoir que l'ensemble des faits et gestes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa prédication, ses actes, ce qu'il a ordonné, ce qu'il a recommandé, ce à quoi il s'est opposé, ce qu'il a délaissé, tout ceci est en corrélation et en adéquation avec le Coran. Tout ceci est en corrélation et en adéquation avec le Coran. Il désirait ce que le Coran a enjoint de faire. Il se détachait de toute chose que le Coran a enjoint de délaisser. Il aimait ce que le Coran loua. Il était prompt à exécuter les ordres et à les transmettre, ainsi que de porter tous ses efforts dans la réalisation de ceci. Il en est de même pour toute personne qui s'efforcera à étudier sa moralité et son comportement, sallallahu alayhi wa sallam, et qui déploiera tous ses efforts dans cela, il trouvera certainement ce qui le contentera, et il s'imprégnera de lui au final. Sixièmement, l'étude de la sira va pousser la personne à multiplier les prières et les invocations sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah a ordonné à ses serviteurs de prier sur lui, de lui adresser des salutations et d'invoquer Allah pour qu'il le préserve de tout mal. Et ceci est un des droits du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur nous. Allah tabaraka wa ta'ala a dit à cet effet: Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Sourate 33, le verset 56. Certes, Allah et ses anges prient sur le prophète. Ô vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. Toutes les fois que la personne acquérera cette science et cette clairvoyance sur les qualités et les caractéristiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses prières sur lui seront beaucoup plus nombreuses et meilleures. C'est pour cette raison que les prières adressées sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam de la part des gens de science, c'est-à-dire ceux qui connaissent sa sunna et sa guidée et qui la suivent, n'est pas comparable aux prières des gens du commun des musulmans. Septièmement, l'étude de la sirah va pousser la personne à s'éduquer par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Son comportement, sa moralité, ses mœurs, ainsi que sa vie constituent une voie à suivre pour la vie de chacun des musulmans qui espère le bien pour sa personne, qui espère une élévation spirituelle, car sa vie est un exemple pour celui qui désire éduquer ses enfants sur ses principes et un modèle sur lequel les générations postérieures grandiront et s'éduqueront. Si l'enfant, dès son plus jeune âge, s'écarte des enseignements prophétiques, il sera alors dans une perdition évidente, comme c'est le cas de beaucoup de jeunes actuellement qui ont fait l'impasse sur l'étude de la vie du prophète alayhi salat wa salam et se sont dirigés vers les biographies des gens qui n'ont que peu d'importance aux yeux d'Allah tabaraka wa ta'ala. Certains parmi nos jeunes connaissent la vie des footballeurs sur le bout des doigts, connaissent la vie des stars de télé ou des stars d'Hollywood ou des stars de cinéma sur le bout des doigts. Mais ils ne connaissent rien de la vie du prophète alayhi salat wa salam. Force est de constater la décadence dans le comportement et les mœurs, ainsi que la défaillance dans les principes de base de l'islam chez beaucoup de musulmans. Et cela doit pousser chacun d'entre nous à étudier la vie du prophète alayhi salat wa salam, car nous en avons grandement besoin. Par cela, Allah nous aidera à nous réformer, à se guider par la voie qu'il nous a tracée, ceci par la grâce d'Allah Jalla wa Ala. Allah a lié le bonheur dans les deux demeures par le suivi de l'envoyé sallallahu alayhi wa sallam, comme il a fait du malheur dans les deux demeures une conséquence de l'éloignement et l'opposition à son suivi sallallahu alayhi wa sallam. Huitièmement, son excellent caractère sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui étudie la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam trouvera dans de nombreux récits que beaucoup se sont convertis et que la cause de leur conversion fut la bonne moralité, le bon comportement et les bonnes mœurs qui étaient ceux de l'envoyé sallallahu alayhi wa sallam. Ceci est appuyé et corroboré par la parole d'Allah lorsqu'il dit: فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. C'est par quelque miséricorde de la part d'Allah que tu as été si doux envers eux. Mais si tu étais rude au cœur dur, ils se seraient enfuis de ton entourage. Pardonne-leur donc et implore pour eux le pardon d'Allah et consulte-les à propos de tes affaires. Puis, dès que tu t'es décidé, place donc ta confiance en Allah. Allah aime en vérité ceux qui lui font confiance. La sourate numéro 3, le verset 159. Conclusion. Je voudrais vous citer une parole de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah tabaraka wa ta'ala dans son fameux ouvrage Zadul Ma'ad fi Hadi Khayr al-Ibad. Lorsqu'il dit: pour tout cela, tu comprendras la nécessité des serviteurs au-dessus de toute autre nécessité de connaître le messager et ce avec quoi il est venu, de le croire dans ce dont il nous a informé, de lui obéir dans ce qu'il nous a ordonné. Il n'y a pas de moyen de connaître le bonheur et la réussite ni dans cette vie d'ici-bas, ni celle de l'au-delà, si ce n'est à travers les messagers. Il n'y a pas de moyen de connaître le bien du mal de manière détaillée qu'à travers eux. On ne pourrait aucunement atteindre l'agrément d'Allah qu'à travers leurs enseignements. Tout bien parmi les actes, les paroles et les moralités ne sont puisés que de leur guidée. Ils constituent la balance par laquelle les actes, les paroles et les mœurs doivent être pesés. Par leur suivi, les gens de la guidée se distinguent des gens de l'égarement. Le besoin à revenir vers eux est plus grand que le besoin qu'éprouve le corps envers son âme, l'œil envers la lumière ou bien l'âme envers la vie. Et quel que soit le besoin et la nécessité, elle ne saurait surpasser le besoin et la nécessité du serviteur envers les messagers. Que penses-tu de celui qui fut privé de sa guidée sallallahu alayhi wa sallam et ce avec quoi il fut envoyé, ne serait-ce qu'un instant aussi furtif que celui du clignement de l'œil? Son cœur se pervertira. Il sera à l'image d'un poisson qui serait sorti de l'eau et serait posé sur une poêle pour être mangé. Le cas du serviteur lorsque son cœur se détache des enseignements des prophètes est comparable au cas de ce poisson, voire plus préjudiciable. Seulement, nul ne pourra ressentir cette douleur, sauf celui dont le cœur est vivant. Car comme dit l'adage, le mort ne ressent plus la douleur. Sur la base de ceci, le bonheur du serviteur dans les deux demeures est intimement lié à la guidée du prophète, alayhi salatu wassalam. Il est donc obligatoire à toute personne voulant le bien pour elle-même, recherchant le salut et une vie heureuse, qu'elle connaisse de sa guidée, de sa vie, de sa personnalité, ce qui le fera sortir finalement du nombre des ignorants et le fera entrer du nombre des suiveurs de son groupe et de ses co-religionnaires. Les gens dans ce domaine diffèrent les uns des autres, entre celui qui agira en conséquence, l'autre qui agira de manière plus timide, et un troisième qui sera privé de ce bienfait. Telle est la grâce d'Allah qu'il octroie à qui il veut, et Allah est celui qui possède la grâce immense. Fin de citation. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضى ونسأله تبارك وتعالى الهدى والتقى والعفاف والغنى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته